à Chicago, dans le Middle West. Dans un quartier vraiment très modeste, que les gens quittent comme la peste. Une femme doit tuer son chat céleste. Aujourd'hui, c'est jour de drame. Elle boit sa dernière tisane. Aujourd'hui, l'Illinois, son vieux chat, dans l'Illinois. Aujourd'hui, c'est jour de drame. Elle boit sa dernière tisane. L'Illinois, son chagrin, dans une tisane de thé chinois. À Chicago, dans le Middle West, une femme qu'on dit complètement à l'ouest doit noyer toute seule son chat céleste et l'attraper, un chat céleste. Son cœur gros sans greffe d'organes va bientôt tomber en panne. C'est pourquoi l'Illinois, son vieux chat, dans l'Illinois. Son cœur gros sans greffe d'organes va bientôt tomber en panne. L'Illinois, son chagrin, dans une tisane de thé chinois. À Chicago, dans le Middle West, son voisinage la déteste. Pourtant, elle a le cœur gros. Gros à se répandre en sanglots, à remplir trois jerricanes, à remplir le lac Michigan. Aujourd'hui, l'Illinois, son vieux chat dans l'Illinois. À remplir trois jerricanes, à remplir le lac Michigan. L'Illinois, son chagrin, dans une tisane de thé chinois. À Chicago, dans le Middle West, elle accomplit l'acte funeste. Elle confie son vieux chat céleste aux soins du paradis céleste. Au fond de sa caravane, elle avale sa dernière tisane. Lily a noyé son chat dans la rivière de l'Illinois. Au fond de sa caravane, elle avale sa dernière tisane. L'Illinois, son chagrin, dans une tisane de thé chinois.